Je suis Duke Nukem, et je viens vous exterminer, enfoiré d'alien. Duke Nukem, et je viens vous exterminer, enfoiré d'aliens.